decision in the history of decisions. Even easier than choosing Slash to be in your band. Next up for lead guitar. You're in. Cool. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah. Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Les plus grands artistes des années 60. Nostalgie. Dans mes bras, oublie ta peine. Dans mes bras, oublie ta peine. Tu ne sais pas, mais je t'aime. Laisse-moi guérir ta peine. Viens, je soignerai ton cœur blessé. Je veux te voir sourire. Ne pense plus à celle qui t'a quitté et qui t'a fait autant souffrir. La petite amie de jeu de ton enfance. Mais j'ai 17 ans et aujourd'hui je ne peux plus garder le silence. vénère, tout étonné. Je ne suis plus la même. J'attendrai le jour où je pourrai enfin t'avouer que je t'aime. watched the harbor lights. How could I help if tears were starting? Why to tender nights beside the silvery sea? Just once more, but you were on the ship and I was on the shore. Now I know lonely nights, for all the while my heart is whispering some 60. Vous êtes au cœur des années 60. Quand Juliette au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir deux chambres de bois pour ne pas danser la polka.